venu glorifier le nom de notre King. Amen. Il est puissant. Il est puissant. Il est glorieux. Il est véritable. Alléluia. Je suis venu pour louer mon Seigneur, chanter de tout mon cœur, ô Jésus mon sauveur. N'aime ni personne pour m'empêcher de louer mon Seigneur, de louer mon sauveur. Je suis venu pour louer mon Seigneur, chanter de tout mon cœur, ô Jésus mon sauveur. N'aime ni personne pour m'empêcher de louer mon Seigneur. Je suis venu pour louer mon Seigneur. Chanter de tout mon cœur. Pour Jésus mon sauveur. Rien ni personne.